Bonjour chères auditrices et auditeurs, l'association Ralentir pour vivre nous embarque dans une aventure hors du commun. Que dire ? Quoi dire ? Je ne saurais. Je vais donc laisser nos reporters se présenter. Salut Tac ! Salut Tic ! Eh, Tic et Tac ! Tic et Tac ! Tic ! Tac. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac. À la poursuite du lapin blanc. Wow. Frénétiquement. En retard. En retard. Je suis toujours en retard. Là, ici, il est l'heure du contre-temps. Contre-temps ? Le contre-temps, c'est ce qui te prend. Oh là là là là là là ! Le contre-temps, c'est lorsque la vie te surprend. Oh. Avec un contre-temps, il est l'heure d'être présent. Wow. Et là, on va partir, Tac. Oh, Tic, tu mets ton costume. Ok. Tac, je suis prête. Est-ce que tu as ton costume ? Oui, moi aussi, j'ai mon costume. Je suis prête. 5 sur 5. 5 sur 5, on démarre. On allume la machine ? On allume la machine. Waouh ! Tac. Tic. Où est-ce qu'on vient d'atterrir ? Je sais pas. C'est la Terre et ses humains. Oh oui, allô la Terre, ici la Lune, on arrive. Allons leur poser quelques questions. Oh oui. Alors, en direct de la planète Terre, je suis Tic et je vous rencontre, madame. Alors, dans quelle tranche d'âge vous situez-vous d'abord ? J'ai 22 ans. Vous avez 22 ans ? Oui. Très bien. Et dans quel milieu ou environnement vous évoluez en ce moment ? Que ce soit professionnel ou... Pour l'instant, j'arrive pas à m'en sortir parce que j'ai aucun travail. D'accord. Et du coup, j'essaie de m'en sortir, vendre mes petites châtaignes. Ah ! Vous êtes en lien avec la nature directement ? Directement, oui. Très bien. Alors, si on pouvait comparer votre rythme de vie avec un genre musical, est-ce que vous sauriez lequel ce serait ? Moi, quel instrument ? Genre musical. N'importe. N'importe ? Oui. Vous dansez un petit peu tout non, type de danse ? Je danse pas du tout. Vous êtes dans un rythme plutôt soutenu ? C'est plutôt le feu ? Non, c'est le contraire. Je suis... chaque fois, on va dire que je suis seule, je me sens ignorée du monde, quoi. Vous faites plutôt un solo en ce moment ? Voilà. D'accord. Et alors... je sais plus c'était quoi l'autre question. Oui. Si vous aviez la semaine dernière, ou si vous avez la possibilité d'avoir des contraventions quand vous speedez trop, combien en une semaine vous aurez eu de contraventions ? Au moins une bonne dizaine. Une bonne dizaine ? Oui. Donc plus d'une par jour au moins. Oui. Oh là là là là ! Ah ça c'est sacré. Ah là ça c'est quelque chose. Oui. Mais ça vous fait pas trop... trop de la peine ? Bah un petit peu parce que j'essaye de m'en sortir quand même un petit peu quoi. Ouais. Et là j'y arrive pas du tout, c'est pas facile d'avoir 22 ans, d'avoir aucune famille par derrière qui peuvent soutenir et de vivre en foyer, c'est pas simple depuis des années. Ouais. Et du coup voilà. La vie c'est pas toujours très, très joyeux. C'est pas toujours très gai, ouais. D'accord. Bon. Après, on a une autre question. Si par jour vous aviez la possibilité d'acheter du temps, combien d'heures vous voudriez par jour supplémentaire ? Moi, beaucoup, parce que je suis une personne qui cherche beaucoup d'attention et ouais. Je cherche à pas rester seul tout le temps. Oui. Donc au moins 4 heures ? Ouais, ça serait déjà bien. Ouais. Pour plus partager la vie avec les autres ? C'est ça. D'accord. Ok. Ben merci. Merci pour le témoignage. Oui. Aujourd'hui c'est dimanche et Jean-Louis est content. C'est son anniversaire, il vient d'avoir 16 ans. Son père est fier de lui, c'est un homme à présent. Il peut donc l'emmener à la chasse aux faisans. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Il va falloir prier pour guérir la petite sœur. Atteinte de mongolisme jusqu'au plus haut degré, elle va au catéchisme, mais fait peur au curé. Aujourd'hui c'est dimanche, un grand jour pour Jean-Louis. Son père lui a offert un merveilleux fusil. Il court dans le jardin pour buter un canard. Il n'y trouve que Brigitte faisant de la balançoire. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Il va falloir prier, prier pour la petite sœur. Abattu par Jean-Louis de trois balles en plein cœur. Tic-clic-pam, tic-clic-pam, tic-clic-pam. Pas mal pour un début. Affirma le Donc déjà, bonjour, et pouvez-vous nous dire dans quel secteur vous êtes, que ce soit professionnel ou de la vie, ou je ne sais pas, pour avoir juste une idée. Bonjour, je suis retraitée, mais voilà. Je travaille encore, je suis graphiste. Ah, ouhou. Intéressant. Très bien. Un tic. Ah. C'est un jugement, vous avez le droit de faire des jugements. Oui, parce que tic et tac... Nous, on est là, on explore, on constate un peu ce qui se passe. On vient de la Lune, en fait. Ah oui, il y a des oiseaux sur la Lune. C'est ça, exactement. Oui. Alors ça, je l'ai trouvé en promenant sur la planète Terre, plutôt intéressant. Ah oui. Oui, voilà. Donc après, je vais vous demander si vous êtes entre 15 et 25, 30 et 40, 25 et 40, 40 et 60 ou 60 et plus. Oui, voilà, bon, d'accord, on va s'arrêter au dernier. Ah oui, bon. J'aurais dit 15-25 ans, mais bon. Ouais, moi aussi. Que je me trompe. Moi, les lunettes... Vous venez bien de la Lune, alors. Ouais. Oui, mais vos lunettes, elles me plaisent bien. Ah oui. Mais je les garde. Mais je kiffe à mort sur vos lunettes, oui. Là. Voilà. Donc, voilà. Alors, la première question. On y va? Non, on n'en a pas commencé encore. Eh non. C'était pour faire un petit... 3 minutes, vous avez dit. Ah, mais c'est 3 minutes. On a respiré. Alors, si vous pouviez comparer votre rythme vie avec un genre de musique, ce serait lequel? Ça dépend des moments. Oh, belle réponse. Donc, comment esquiver la réponse à la question? Zum Beispiel. For example. Par exemple. Dans votre vie professionnelle, peut-être? J'ai rien qui me vient là. Ça par exemple. Eh bien. C'est pas grave. Une chanson. Une chanson. Celle qui passe en ce moment par exemple. Je ne connais pas. Non, moi non plus, mais le rythme. Ah oui, c'est une balade quoi. Oui. Oui, non, moi c'est pas une balade, ou alors une balade un peu. Un peu speed quoi. Un peu. Oh. Au taquet. Voilà. Au taquet. Pas non, beaucoup moins non, quand même. Non, pas au taquet. Entre les deux. Entre les deux. Voilà. Oui. Voilà, comme la fondue, quoi. La fondue? Oui, moitié-moitié. moitié gruyère, moitié vacherin. Moi, je la fais pas comme ça. Ah, bah voilà. Ah. Bon. Enfin, du Beaufort aussi. Pas les mêmes classiques. D'accord, ah, donc on va passer à la deuxième question. Oui. Tic. Alors, dans la semaine qui est passée, si on avait pu vous mettre des contraventions quand vous speedez trop, combien vous en aurez eu? Oh, la semaine, non, pas. pas la semaine passée, c'était cool. C'était pépère. Ouais, j'ai fait les coins, j'ai fait du ménage, j'étais pépère. Oh, ça c'est bien ça. Ah, ça fait plaisir. Ah ouais. Ça fait plaisir à entendre. Oh ouais. Ah. Trop bien. On est cool quoi. Là on se balade. Là c'est tranquille. Bon ben on va en arriver à la troisième question. Ouais. Si vous pouviez acheter des heures supplémentaires chaque jour, combien en achèteriez-vous ? J'en achèterai pas, mais j'achèterai peut-être plus tard des années et des heures pour prolonger. Ah, la petite Maline. Tic. Tu vois, hein. Tic là. Elle a déjà réfléchi à la question. Ah non, elle nous a... j'ai pas réfléchi. Non, mais c'est venu instantanément comme ça. Ah. Je la comprends. Oui, c'est intéressant. Bon, eh ben, on vous remercie infiniment. Et belle vie à vous. Oui. Merci à vous aussi et puis bon retour sur votre planète. Merci, c'est gentil. Partout et toujours, les gens courent. Seraient-ils en retard pour je ne sais quel départ? Où s'en vont-ils chercher un Eldorado caché, un trésor enfoui dans les vagues du temps? Aveugles et sourds à tout ce qui les entoure, ils ne prennent pas le temps de jouir du printemps, d'écouter les chansons venues des quatre saisons, de se sentir vivant au souffle du vent. Mais se poser, s'allonger sous le ciel, fermer les yeux, goûter le soleil, et s'oublier loin de l'effervescence, dans la douceur de l'existence. Le pas empressé, l'agenda saturé, les je n'ai pas le temps, désolé on m'attend. Tyrannie de la montre qui tue les vraies rencontres, fatale allégeance au règne de l'urgence. Il y a dans l'ivresse de cette folle vitesse le signe, l'aurore d'une violence qui dort, un désir de puissance où les gommes de la danse, tout faire vite est mieux en tutoyant les dieux. Mais se poser, s'allonger sous le ciel et s'abandonner à l'essentiel, en célébrant dans cette apesanteur les bienfaits de la lenteur. Partout et toujours, les gens courent. Voudraient-ils de ce pas précipiter leur trépas, ou plutôt se duper de pouvoir en réchapper en rejetant l'évidence du temps? Partout et toujours, les gens courent. Partout et toujours, les gens courent. Donc, toc, encore des terriens. Encore des terriens. Ouais, hein? On leur pose nos petites questions. Vas-y. On y va. Bon, d'abord, mon petit monsieur, dans quel secteur vous êtes-vous? Non, secteur professionnel. Un peu plus fort, un peu plus. Une grosse voix, mon petit monsieur. Maraîcher. Ah bah voilà. Voilà. Et vous, le monsieur qui est à côté? Dans le transport. Ou dans le transport. Personne. Ça va ensemble finalement. Ah non, personne. Non, parce qu'en fait, nous, on descend de la lune, hein. Donc on vient. Qu'est-ce que c'est les maraîchers? Non, on vient explorer les terriens. Parce qu'on les voyait courir sur la terre. Alors on s'est dit, bon, on prend un petit vaisseau, téléportation. Voilà. Donc après la tranche d'âge, alors t'as le choix entre, vous avez le choix entre 15-25, 25-40, ou plus, 40 et 60. 40-60. 15 et 25. Ouais, bon, bah... Pourquoi je les fais pas? On va le dire. Sans le chapeau, tout voilà. De suite. Ah, ça bon. Change tout. Hein. Donc, toc, je vais poser la première... Vas-y, tac. Première question. première question. Donc, si vous pouviez comparer votre rythme de vie avec un genre de musique, ce serait lequel ? La valse. La valse. Eh bien, écoute, tu prends les mots de la bouche. T'as pareil ? Ah ouais, j'adore ça en plus. Écoute. Votre vie est une valse. Ah oui. À trois temps. À trois temps. Et je sais la danser. Wow. Avec, à l'envers, à l'endroit, sur le côté. Quatre temps, je dirais. Mais dis donc, ils ont de la ressource, ces humains, là, c'était rien. Ah, ils en ont des talents, cachés. Hein. On ne serait pas douté de loin. C'est sûr. Ah, non, voyez pas. J'allais dire exactement ça. En plus, transfert de pensée. Ouais. On est connectés les deux, t'as vu ? Ah ouais. Connexion. Bon. Connexion. Bah, c'est parce que vous venez de la Lune. Hein ? Vous avez connecté. Ah, c'est ça. C'est ça, mais je savais qu'il y avait quelque chose là-dedans. Oh là là là là, Togo. On fait bien de venir voir les terriens. Oh, ouais, puis quand on va raconter ça à Ti, qui va dire quoi ? Oh là là là là. Bon. Deuxième question. S'il existait des contraventions quand on speed trop, depuis vendredi dernier, vous en auriez eu combien ? Zéro. Zéro. Oh, bravo. Deux ou trois, moi, je dirais, moi. Deux ou trois. Non. Moi, j'en aurais eu 1000 dans une autre vie. Mais là, tu vois. Ah. Les terriens ont des vies différentes, ils ont même des autres vies. Oh là là. Je savais pas ça. Ah non. C'est quelque chose qu'on apprend. On en apprend tous les jours. Et puis vous, 3, 4 oh. Deux, trois. Oui, là encore, c'est doucement au permis de vivre. Hein. Maintenant, tranquille. Tranquille, hein, le permis de vivre à 100%. J'arrête pas, mais je suis tranquille. Bon. C'est un petit terrien c'est tranquille. C'est... Voilà. Bon. C'est une belle organisation. Ben. Bon, c'est bien. Donc maintenant, on travaille 24/24, tranquille. Moi, je suis en transition, je passe petit à petit mon permis, en fait, c'est pour ça. Ah, d'accord. Ah, permis quand... de ralentir. Ah, quand il nous aura tout dit. Donc maintenant, la troisième question. Si vous pouviez acheter des heures supplémentaires par jour, combien en achèteriez-vous ? 10, hein. Des heures supplémentaires par jour. Ah non, non, non. Zéro. Je suis bien. Vous êtes très bien avec votre vie finalement. Non, parce que moi, si je rajoute des heures, déjà que je travaille beaucoup. Mais ça serait peut-être pour faire autre chose. Non, je pense que je peux déjà faire autre chose. Moi, c'est mon passe-temps fenonnerie de jardin. Donc, si tu mets 10 heures de plus, je fais 10 heures de plus au jardin. Ça sert à rien. Donc, ça me sert à rien, je suis bien. Mais c'est un terrien intelligent, celui-là. Mais pourquoi augmenter ? Ça, moi, alors. Et puis, à mon petit monsieur, 10 heures de plus, vous feriez quoi avec ? En fait, il m'a fait réfléchir, finalement. Finalement, non, ça me va bien. Ah, donc la connexion est bonne, hein ? Ouais. Ah, c'est la Lune. Ah oui. C'est l'effet de la Lune. C'est synchro, hein. Top. Délire. Bon, ben voilà, ben, on vous remercie infiniment. Et on vous souhaite une bonne fin de... journée. Au plaisir. Merci. Au plaisir de vous retrouver sur la ligne, sur la lune AC4. Voilà. On espère. Toute ma vie est un accident. Toute vie n'est qu'un accident. En vocabulaire technique de philosophie, l'accident, c'est ce qui arrive à une substance. Donc si on est quelqu'un, une substance, l'accident, c'est tout ce qui nous arrive. Et les philosophes ont passé leur temps à essayer de séparer les deux. Ah oui, il y a la substance et puis il y a ce qui lui arrive. Puis il y en a d'autres, parmi ceux que j'aime, qui ont dit mais la substance c'est tout ce qui lui arrive. C'est tout ce qui lui arrive. C'est tout ce qui lui arrive. Dans la nature, la notion de justice et d'injustice n'existe pas. Et c'est pareil pour l'espoir et le désespoir. En fait, c'est l'analyse de ce que tu vis qui devrait pas exister. Je me suis assis dans le silence un jour sans trop savoir c'est quoi. Face au vide de mon existence, à observer les étoiles. Et quand t'es seul face à toi-même, les premiers temps sont la souffrance. Avec le manque de ce que t'aimes comme toxicodépendance. Je crois l'enfer, c'est pas les autres car j'aurais aimé vous y voir. Mais quand tu traverseras l'enfer, il n'y aura que des miroirs. J'aimerais bien vous dire que le vide peut vous rapprocher du sacré. Mais dans un doute, parfois j'hésite et si ce monde n'était pas prêt. On perd des prises quand on s'isole, et t'es comme triste en sans isole. J'ai beaucoup pensé à mon fils et j'étais triste des fois si seul. J'ai abandonné des messalines dans la pyramide de Maslow et posé les fusils d'assaut. Ma seule armée sera le salut. Je suis un ex-lascar d'ici qui a connu les trois quarts des vices. Et puis j'ai préféré l'exil plutôt que prendre du cardégique. J'aimerais vous dire que ta réussite se verra dans une vie d'après. Mais dans un doute, parfois j'hésite. Et si ce monde n'était pas prêt, yeah. cacao. J'ignore le chant des sycomores. Je vis dans un monde hors du temps où j'ai parfois cette impression d'être comme un oxymore vivant. Parfois cette impression d'être arrivé au bout de tout. Et même dans l'ex, c'est des frissons de n'en ressentir plus le goût. J'ignore le chant des sycomores. Je vis dans un monde hors du temps où j'ai parfois cette impression d'être comme un oxymore vivant. Parfois cette impression d'être arrivé au bout de tout. Et même dans l'ex, c'est des frissons de n'en ressentir plus le goût. Je suis pas un être spirituel, sauf quand les spiritueux m'aident. J'ai traversé la solitude qui m'a inspiré un remède. Penser à la mort tous les jours a fait ressortir l'essentiel que les nuages devant l'amour ne cache pas l'essence du ciel. Qu'il faut apprendre à s'aimer seul, être égoïste et t'aider toi à te sauver. Car si tu te noies, tu ne pourras sauver personne. J'aimerais vous dire ce qui arrive dépend pas que de nous en vrai. Qu'il faut apprendre à lâcher prise. Et si ce monde n'était pas prêt, j'ai préparé mon sac à dos, tourné la clé dans la serrure, resté figé quelques secondes. Parce que partir parfois c'est dur. J'ai repris le chemin des frères et chopé d'aco au passage. Nano pour le prochain concert et les trois guerriers du palage vont venir jouer dans vos villes. On est venu de loin à pied et on serait des gros débiles si ce monde n'était pas prêt. J'ignore le chant des sycomores. Je vis dans un monde hors du temps où j'ai parfois cette impression d'être comme un oxymore vivant. Parfois cette impression d'être arrivé au bout de tout. Et même dans l'ex, c'est des frissons de n'en ressentir plus le goût. J'ignore le chant des sycomores. Je vis dans un monde hors du temps où j'ai parfois cette impression d'être comme un oxymore vivant. Parfois cette impression d'être arrivé au bout de tout. Et même dans l'ex, c'est des frissons de n'en ressentir plus le goût. Un dernier rêve à la main et après j'irai dormir. Je fume l'herbe de valériane dans la rue et je réfléchis avec ce cerveau embêtant. Je tourne autour de l'étang, je me dis que les femmes sont plus faciles à tromper que le temps. Je regarde réduire les effectifs, attachés l'un à l'autre. Mes seuls liens affectifs sont des menottes. Je suis parti avant qu'elle s'éveille. Pourquoi je vis la nuit? Alors j'essaie de fuir quel soleil. Il brillera demain matin, laisse la nuit faire ses mystères. Pourtant il me semble que le jour n'a jamais touché mon hémisphère. Je me questionne sur l'humanité, tous ces non-dits qui pigent pas. Comme la fête de l'humain chaque été en l'honneur de l'Evren Tiberina et du NKVD. Mes espoirs sont tellement vieux. Ma musique est en noir et blanc. Et même si ce monde est pas prêt, j'ai toujours soldat baladin, toujours armé de balas blancs. K.O. Ah, voilà. Encore une terrienne rigolote. Oui. Ou tic. Attaque. Oh. Déjà. Donc on est venu interroger des terriens parce qu'en fait, on vient de la Lune. Ce matin, on est parti de chez nous. Ouais, parce qu'on est un peu curieux quand même. Parce que ça a l'air d'être un sacré bordel, cette planète. Alors, on vient voir un petit peu ce qui se passe. Ouais, voilà. Vous n'avez pas eu envie de repartir tout de suite très vite? Non. Nous, vraiment, l'exploration, c'est notre truc. Ah oui, et puis on en a vu des chouettes terriens. Ça, oui. Limite, ça donne envie de rester un peu plus longtemps. Ah ouais, ouais. Quel genre? De genre de vous, peut-être que vous avez l'air d'être un bon copain. Ah ouais, vous êtes rigolote, vous. Ah ouais, j'allais vous demander dans quel secteur vous êtes, vous. Dans quel domaine? Ouais. Géographique? Travail ou autre ou... Moi, je fais des confitures. Oh. Oh. Bon vivant. Bonne vivante, oh, oui. Mais pas que, hein. Mais pas que. Ah. Attention. Non. Zum Beispiel. For example. Per exemple. Ah. Quoi d'autre? Je cuisine pour les amis. Waouh. Et moi, je suis votre amie? Oui. Ah. Et puis moi, je suis... Oui. Ah ouais. J'adore. Je marche. Avec des bâtons. Oh. Et quand il fait nuit, une petite lampe frontale. Wow. Comme un extraterrestre. Ceux des autres planètes. On a un gros œil sur le front. Mais ça, c'est dingue. Ou Didou. Moi, j'ai envie de venir avec vous. Oh, bah, moi aussi. Ouais. Tous les mercredis. Ouais, non, bah, attends, tic, il faut quand même poser des questions. Professionnel, professionnel. Un peu. Alors. Donc, la tranche d'âge, quelle est votre tranche d'âge entre 40 et 60, 60 et plus? Une bonne tranche. Bon, d'accord, on a encore retrouvé une... Ah ben voilà, encore une qui... Il y en avait une tout à l'heure, elle était entre deux tranches, et puis maintenant c'est une bonne tranche, celle-là. Moi j'aime bien les rigolotes. Ouais, voilà, une bonne tranche. Ah, voilà. Bon, ben, une bonne tranche, d'accord. Alors, première question, qu'est-ce qui la pose? Tic. Allez. Tic, tic, tic. Première question. Si vous deviez comparer votre rythme de vie avec un genre musical, lequel serait-il ? Alors, ça dépend des jours, hein. Ça dépend des moments de la journée. Plus en plus intéressant. Quand je suis devant mes fourneaux, ça y va, ça pulse. Et c'est quelle musique, là ? Oh, bah écoutez, à cette heure-là, c'est France Musique, mais ça donne la pêche. Ça peut être du Bach, Handel, Ravel, Debussy. Oh, dis donc. Falloir que je me cultive, moi, j'y connais rien, là. Oh, attention, hein. Et puis, si ça m'intéresse pas, ben, je mets un CD. Ah. Voilà. Et c'est quoi comme style ? Oh. Ben, c'est beaucoup du baroque. Mais alors, il y a quelques années, il y a 3 ans, en concert à Froville, j'ai découvert un petit contre-ténor. Waouh. Et en plus, il fait du hip-hop. Mais il chante comme un ange. Mais dis donc, ces terriens, ils sont pleins de ressources. Extraordinaire. Oh, pas du tout. Surprenante bestiole. Surprenante bestiole. Alors, des fois, bon, quand ça m'intéresse plus sur France Musique, je mets France Inter ou n'importe quoi. Et puis, s'il y a du Queen, I want to be free, we will rock you. Dans ma cuisine, moi, devant mes fourneaux, je chante et je danse, toute seule. Waouh! Mais c'est un spectacle à elle seule, et la ouais. petite dame, en ben fait. Bah justement. Surprenant. C'est parce que je suis toute seule. Bah ben surprenant, c'était rien de loin, on voyait rien. Mais de près, il s'en passe des choses. Tous les détails, là, ça me... Un scotch. Oh, ça me scotche. Toi aussi. Ça m'embouche un coin, comme on J'ai entendu ça, là, il n'y a pas longtemps. Ouais. L'expression pas mal. Ouais. Ça nous embouche un coin. Nous allons donc passer à la... deuxième question. Voilà. La deuxième question étant... Ouais. S'il existait des contraventions quand on speed trop, combien en auriez-vous eu la semaine qui vient de passer ? Alors... lundi... 0. Parce que j'ai commencé ma semaine pépère. Non, mais là, on commence depuis jeudi dernier. Ah ! Une semaine. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi et aujourd'hui. Combien de contraventions pour trop speeder ? Vendredi, j'en aurais peut-être une. Ah ! Quand même. Quand même. Bon. Oui. Et pourquoi donc ça ? Hein ? Parce que souvent, la fin de semaine, c'est un peu bourbourg. Chaud les marrons, chaud. Moi, ma semaine, elle commence souvent doucement, puis ça va crescendo. Donc, les contraventions, certains terriens les ont en fin de semaine. Ah, c'est ça. Voilà une information supplémentaire. Mais, dimanche, c'était relâche. Oh, ok. Ouais. Alors, le dimanche est censé être un jour pépère. Pépère. Intéressant. Ouais. Si j'osais même vous aller dans la confidence... Bon, dimanche, je me suis levée tôt, hein. Mais j'ai fait des petits trucs, j'ai bassoté un peu chez moi, mais j'étais en peignoir, hein. Et puis, bon, ma douche, je sais pas, j'ai dû la prendre, il devait être... bof, 11h, 11h30, pépère, hein. Oh. Mais j'avais des trucs chez moi, mais voilà, tout doux, tranquille. Mais ça, c'est bien, ça. Ouais. Mais ça, bon, c'est... une petite contredanse le vendredi, faut pas déconner, quoi. On peut se permettre quand même un peu, quoi. Ça va. Ouais, non, ça va. Ça va. C'est pas toutes ces fourmis qu'on voit courir toute la journée, non, c'est... Non. Non, c'est pas celle-là. Ça reste une autre type de créature encore. Correct. Ça va, correct, ça va. Dernière question. Troisième question. Troisième question. C'est pour vous, Tic. Si vous aviez la possibilité d'acheter du temps supplémentaire quotidien, combien d'heures vous faudrait-il ? Je pense qu'il me faudrait 1 heure pour lire tranquille. Ah ! Mmh. Oh, mais elle est très sérieuse, cette petite terrienne-là. Studieuse. Puis juste une heure, comme ça, pour boucler. Ah non, mais ça veut pas dire studieuse. Hein. Moi, c'est lire, c'est la détente. Mmh. Au calme. Mmh. Avant de rentamer une deuxième journée. Mmh. Ah. Mais économe, hein, elle en demande pas beaucoup, juste une heure. Ouais. Une petite heure. Tout accessible. C'est possible. Nous, on peut bidouiller un peu la trame spatio-temporelle. Ouais, mais il y en a, ils nous demandent 1000 heures de plus. On n'arrivera pas. Non, qu'est-ce que j'en ferai? Il y en a, ils nous demandent 24 heures. Il y en a, ils nous demandent rien du tout. Alors, entre ceux qui demandent rien du tout et ceux qui demandent une heure, on pourrait peut-être bidouiller un petit truc. Alors aussi, ça dépend peut-être de la saison. Parce que. En été, j'ai peut-être besoin de 2 heures. Ah bah... Tu vois, tu donnes le doigt, le bras, l'épaule, ça y est, t'es dedans. Mais je te dis, les humains, ils aiment la vie. Ah oui. Ça, c'est incroyable. Ça, depuis qu'on est là sur cette terre, on voit ça. Ouais. C'est systématique. Ah oui. Bah, on est là pour ça aussi. Ben, on en a quand même croisé un ou deux qui n'étaient pas vraiment... Ah ouais. Ouais. Bon, ben, on va vous remercier infiniment. Ah ben, si j'ai pu rendre service, hein, moi, oh, ça coûte rien. Hein. Que les Mimi. Hein? Mimi chouchou. Mimi chouchou. Merci beaucoup. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête. Andalousie, je me souviens, je les entends rire comme je râle. Je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Si, si, hombre, hombre. Baila, baila. Hay que bailar de nuevo. Y mataré los otros. Otras vidas y otros toros. Y mataremos otros. Venga, venga, baila. Y mataré los otros. Voilà, c'est donc une émission qui s'appelle Contre-temps, et je vous présente Tic. Et je vous présente Tac. Voilà, et voilà, et donc on va vous poser trois petites questions. Hein. Voilà. Voilà, trois petites. Trois petites. La première déjà, dans quel secteur, dans quel domaine, en fait, dans quel domaine professionnel vous êtes, voilà, en gros. J'ai un concept store de décoration. Voilà. Sur Épinal. Voilà, très bien. Très bien. Voilà. Et puis dans la tranche d'âge, vous avez le choix entre 15 et 25, entre 25 et 40, et puis entre 40 et 60. Je dirais 25 et 40. Voilà. Et 40 et 60, j'ai quand même un large... Non, mais on parle de vous. Ah, moi, mon âge. Oui. Oui. Oh tiens, la petite dame, ça elle a plein d'âge. Elle a plein d'âge, elle, toute seule. Non, mais vous savez, ça ne nous étonne pas. Nous, on est descendu de la Lune aujourd'hui. On a atterri. D'accord. Et on vient voir les terriens. Donc, on vient explorer un petit peu ce qui se passe ici, quoi. Voilà. Ok, bon, bah, du coup, ma tranche d'âge à moi, c'est de 25 à 40. Ah, bah voilà. Ah, voilà. Voilà. Très bien. Alors. J'y vais, Tac. T'y vas, Tic. Première question. Si vous pouviez comparer votre rythme de vie avec un genre musical, lequel vous choisiriez? C'est une très bonne question. Je sais. Ouais. Elle aurait pas un petit peu répondu à côté de la question, là, petite dame? Non. Bonne question. Je dirais pop-rock. Pop-rock. Oh, oh. Ah. Pourquoi ça donc? Parce que d'avoir un magasin, on ne s'arrête jamais de travailler. Et puis la vie à côté, on ne s'arrête jamais 5 minutes. Voilà. Donc ça, c'est speed. Oui. Voilà. C'est intense. Pop-rock, il y a quand même quelque chose de joyeux là. Oui, aussi. Hein, pop-rock. Tout à fait, oui. C'est pas pop-corn, mais c'est pop-corn. Rock. Pop-rock. Pop-corn. Mais tu sais, moi, je ne sais pas toujours tout hein, sur la Lune. Ah, voilà. Tic, voilà, hein, voilà. Non. On découvre, on explore. On explore. Ah, Deuxième question. Alors, zum Beispiel. For example. Per exemplo. Oui. D'accord. Donc, deuxième question. S'il y avait des contraventions quand on speed trop, combien cette dernière semaine qui vient de se passer en auriez-vous eu? Beaucoup. Oh, alors, comment ça se fait de quoi? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, ça pique un peu, ouais. Ouais, ça pique. Ouais, ouais. Là. Ça pique. Et ouais. Ouais. Ouais. J'aimerais pas. Non, mais on va passer à la troisième question. Oui. Hein. Ah, voilà. Tic. Par exemple, imaginons que vous pouviez acheter du temps supplémentaire par jour. Combien d'heures vous voudriez ? Oh bah, une journée qui dure 48 à la place de 24, ouais. Le double ! Ah bah carrément ! Le double ! Attends qu'on y est ! Ah bah carrément ! Ah ouah ouah ! Ah bah la petite dame, elle y va, hein. Une journée pour profiter, enfin 24 heures pour bosser, 24 heures pour profiter. Ah, et puis le sommeil alors ? Vous le mettez où ? Ouais, un petit peu de sommeil. Ah oui, tu veux un petit peu de carburant dans la machine quand même, parce que bon. Mais dans cet arrière, il ne dorme pas. Ah, ça, je découvre aussi. Moi aussi. Mais comment vous faites ? C'est difficile. Vous ne savez pas comment vous faites, hein ? Non. Ah, waouh. C'est un schmilblickabrack. Bon, bah voilà. Eh ben écoute. Mais c'est déjà pas mal. Oui, et puis on aura appris quelque chose. Oh. Bah. Ouais. Mais merci. Déjà qu'il pleut sur cette terre. Oh là là. Oh là là. Hein? Purée, vous êtes courageuse, hein? Ouais. Purée de pommes de terre, là. Ah ouais? Oulala. Parce que des journées comme aujourd'hui, vous sortez dans la rue, n'importe quoi, il n'y a rien. Ah non, non. Ah, il n'y a rien. Puis il faut rester. Ah ouais. Purée. Rude. C'est rude. Oui. Bon, merci. Bon, ben, on vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci. Il me disait que le monde était vraiment bien plus grand, que ces chemins de ronde je les connaissais depuis un moment, et qu'une ombre d'esprit me semblerait d'avant, pensée vagabonde serait le mieux pour comprendre le vent. Alors je l'ai dit et repris sous les cris à ceux qui voulaient bien entendre ce que j'avais un jour appris ici, sans mépris, où se déroule ma vie. À l'ombre de l'immonde, j'ai combattu et terrassé l'envie. Ainsi je le revois assis avec ses cheveux gris et sa canne à côté, ainsi près du plus grand menhir où il aimait sourire doucement se poser. Aussi on savait bien ici que cette place idéale lui était attitrée. Ainsi je me souviens de lui qui me racontait tant d'histoires sans s'arrêter. L'oubli n'est c'était pas dans celui qui déjà tout petit se savait érudit, quand un jour il fut pris, repéré et choisi comme élève apprenti de nos vieux sages qui toujours dans le défi du combat de l'esprit connaissaient les conflits, les doutes et l'harmonie. Loin de certains hommes trop épris de furie, éloigné en somme de la grande magie, de la nature toute puissante à jamais, d'après ses futurs que personne ne sait, d'où viennent les plus durs alignés de ce fait, les rochers qui furent levés avant qu'il n'ait appris et compris après toutes ces années à écouter les druides qui devaient le former, jusqu'à ce jour où enfin il devint à son tour celui qui était prêt à enseigner la beauté du monde que les dieux ont sculpté, les traits qui se font déclarant les pensées, tous ces caractères qui dansent dans la ronde afin de les confondre pour mieux se raisonner. Pour mieux se raisonner. Pour mieux se raisonner. Le vieux druide était parmi nous, toujours éveillé, ouais mais sans tabou, à regarder le monde de tous côtés, mais sans jamais le juger. Le vieux druide était parmi nous, parmi nous. Il savait comment deviner ce que chacun de nous attendait de lui, il savait prendre son temps, écouter, essayer de vivre les récits de tous ces gens importants à ses yeux qui le consultaient pour être aussi près de tous les dieux qui vont de l'avant, se rapprocher d'un avenir qui serait écrit déjà depuis longtemps, quand le monde n'était pas celui que l'on connaît, bien avant les combats et les jours sombres que les dieux ont vécu pour que naisse la paix. Tout près d'un feu, tout était si mystique, l'homme était pieux et semblait fantastique, les gens se savaient dans le jeu où l'enjeu était de s'imprégner au mieux de tous ces rites. Il regardait très souvent dans les yeux celui qui était venu comprendre, apprécier les récits, les sages et les mots de tous ceux qui bien sûr l'avaient complètement imprégné. Il parlait d'amour, de guerre et de danger, de contre et de pour afin de questionner la vie de celui qui venait consulter, répondre à son tour sans l'avoir demandé. Il guérissait toutes les plaies, toutes les maladies qui nous tombaient dessus, il comprenait ce qu'était la mort, la vie après un terrible vécu. Il avançait avec ses hommes, ses femmes qu'il ne voulait pas perdre de vue, ce qu'il était fait pour charmer les âmes, parler avec elles, les mettre à nu. Le vieux druide était parmi nous, toujours éveillé, ouais mais sans tabou, à regarder le monde de tous côtés, mais sans jamais le juger. Le vieux druide était parmi nous, parmi nous. Il connaissait Reconnaissez les arbres et tous les signes de la nature qui chante à jamais. Reconnaissez les arbres et les racines qui n'avaient pour lui aucun secret. Lui qui avait vécu quelques familles des hivers assassins qu'il laissait. Tel un fléau, tel le manque de victimes qui savait maîtriser les regrets. Toute son histoire a été d'avancer pour s'occuper au mieux des personnes du clan. Lancé comme une pierre au-dessus d'un ruisseau, passant de l'un à l'autre toujours en ricochant. Les problèmes étaient pour lui des passages, des moments de vie, des quartiers de nuages. Des symphonies enfermées dans des cages qu'il fallait libérer pour que chantent les orages. Avec son allié favori qu'il rejoignit souvent pour comprendre et maîtriser les mots. De nos désirs à nous simplement tels conversés, il savait faire avec le corbeau. Ce qu'il me manque plus que tout aujourd'hui, même si je sais bien qu'on fout son esprit. Et parmi nous il n'est jamais parti, devant vous j'avoue que l'oiseau me l'a dit. Que l'oiseau me l'a dit. Parmi nous, toujours éveillé, ouais, mais sans amour. À regarder le monde de tous côtés, mais sans jamais le juger. Le vieux druide était parmi nous, toujours éveillé, ouais, mais sans amour. À regarder le monde de tous côtés, mais sans jamais le juger. Le vieux druide était parmi nous, parmi nous. Voilà, bonjour. Bonjour ma petite dame. Hein ? Une autre terrienne. Oui. Oh, que c'est mignon tout ça. J'ai hâte d'entendre ce qu'elle va nous dire. Moi aussi. Dans quel secteur êtes-vous ? Je sais pas, retraitée. Vie quoi. Dans la vie. Je suis retraitée et déjà, tout d'abord, bonjour mesdames. Oh, qu'elle est polie. Qu'elle est mignonne. Oh. Je l'adore. Moi aussi, elle est toute chou. Bon, après, dans la tranche d'âge, on aimerait juste savoir si vous êtes dans les 15-25, 25-40, 40-60 ou 60 et plus. 60 et plus. Bon, on dirait pas. Mais elle ne fait pas du tout. Mais sincèrement. Ah. Ah non, mais oui. Oui. C'est pas mon genre de flatter pour... Non. Ah, mais pour une terrienne, elle est... Hein? Eh, quand même. Ah, bien, hein? Bien, bien. Bien, bien. Mais ça doit être l'esprit. Oui. L'esprit, ça conserve. Ça conserve. Ah, voilà. Voilà, c'est cela. Donc. Première question. J'y vais. Zum Beispiel. For example. Per exemplo. Per exemple. Si tu voulais comparer ton rythme de vie avec un genre musical, lequel choisirais-tu? Je dirais la valse. Oh, c'est joli ça. Charmant. C'est tout rond, et pour quelle raison? Bah parce que ça se déroule tranquillement, paisiblement. Bon, je ne tourne pas en rond toute ma vie, mais le tempo me plaît bien. Donc la valse, Tic, il nous disait, elle nous disait. La valse, c'est à trois temps, c'est ça? Ou à quatre temps. Tac, tac, tac, tic, tac, tac. La valse à trois temps. À trois temps. Oh. Oh. Ça c'est beau. Est-ce qu'on lui pose la deuxième question? Oui. J'y vais, Tic. Vas-y, tac. D'accord. Alors, la deuxième question. S'il y avait des contraventions quand on spit trop, combien en auriez-vous eu la semaine qui vient de venir, de passer? Alors, cette semaine qui vient de passer, combien de contraventions? Pour avoir trop speedé. Je ne peux pas dire que j'ai beaucoup speedé cette semaine. Je ne me vois pas avoir speedé, en fait. Ouh, mais elle aurait-il un permis de vivre à 12 points? Ah, mais je crois bien. Mais moi aussi. Mais c'est magnifique. Mais c'est splendide. Oh, mais ces terriens nous surprennent tous les jours. Mais c'est fantastique. C'est plein de ressources, en fait, ces bestioles-là. Ah, dit. Ah, ouais, ouais, depuis la lune, on n'aurait pas dit. Non. Parce que depuis là-haut, on vous voit, vous vous agitez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein? Voilà. Ah, oui, mais moi, je suis en retraite. Ah, ça change tout. Le retrait, la retraite. Ah. Eh, c'est pas mal, ça, comme concept. Voilà. Alors maintenant, on aimerait une autre question, la dernière question. Tic, je te laisse la poser. Alors, elle s'en souvient plus. Oh, je vais devoir la poser. Bon, ben, je vais la poser. Alors, si vous vouliez acheter des heures supplémentaires par jour, combien en achèteriez-vous? Oui, mais des heures supplémentaires pour faire quoi? La grande question est bien là. Eh ben voilà. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Peut-être que vous n'en avez pas l'utilité pour l'instant. Donc en fait, vous avez assez avec ce que vous avez tous les jours. Bah ouais. Oh ben, ça serait quand même bien d'en rajouter, si c'est possible, pour faire... Mais alors pourquoi faire? Pour faire plaisir aux autres, pour penser à moi encore plus. Ah. Et pourquoi pas? Et combien alors par jour? Par jour? Bon, en fait, moi j'ai remarqué que, je ne sais pas si c'est avec les vibrations qui s'élèvent, mais les journées nous semblent de plus en plus courtes. Donc pour moi, j'en suis une journée de 24 heures, elle serait à peu près de 20 heures. Donc me rajouter 4 heures, ça serait bien. Ah, 4 heures. C'est intéressant. Intéressant. Oh oui. Plutôt raisonnable finalement. Plutôt raisonnable. Bon. Bon. Merci. Merci. Infiniment. Bonsoir, monsieur, dame. Bienvenue au Café des Jours Heureux. Et les jours heureux, y a des piccolos qui boivent et reboivent jusqu'à temps qu'ils en bavent. Au café des jours heureux, y a des tox qui se maravent pour un petit bout de caillou oublié dans une cave. Au café des jours heureux. Affalée dans sa crasse, elle attend qu'il se lave. Au café des jours heureux, y'a les petites connes qui savent quoi faire ou quoi dire. Foutre un filet, la rage, ça y est, salam alaikum mes cousins. Et on en vient, on vous salue. Allez, c'est parti. Au café des jours heureux, y'a toi, y'a moi. Et que l'on se marre avant, gueulant des choses lave. Au café des jours heureux, y'a toi, y'a moi. Et que l'on se marre avant, gueulant des choses lave. Le mec en gris nous l'a dit. Je vous marie pour le meilleur, mais vous deux sera le pire. Même le jour de notre mariage, le mec en gris nous l'a dit. Je vous marie pour le meilleur, mais vous deux sera le pire. Et vous deux sera le pire, et vous deux sera le pire. Alors ce sera le pire. Des jours heureux, il y a des piccolos qui boivent, il y a des tox qui se maravent, il y a Raymond, elle grand slave, il y a les petits connes qui savent, les toutes plaques sont de la plage, et même si j'enrage, quand je tournerai pas mes rêves, comme si le monde en crève, et même si j'enrage, jusqu'à notre mari, jusqu'à notre mari. Wow. voilà, c'est un terrien. Oh, oh, oh, on a vu plein de terriennes. Et là, aujourd'hui, un terrien. Un terrien. Et attention, donc, tic. Tac. Voilà. Enchanté. Voilà, on va vous poser quelques petites questions. Je vous écoute. Oui. Donc, dans les tranches d'âge, est-ce que vous êtes dans le 15-25? Oui. Bon. Oui. Bien. Ah, un jeune terrien. Un jeune terrien. Voilà. Et dans quel domaine vous êtes au point de vue... De la vie, quoi. De la vie. Électricien. Électricien. Électricité. Parce que nous, on vient de la Lune. Ouais. D'accord. Et on vient d'atterrir sur Terre ce matin. Ouais, ouais. Vous avez caché le vaisseau, j'espère. Bien sûr. Ah, oui, mais oui. On n'a pas besoin de vaisseau, nous. Non, non, on fait de la téléportation. D'accord. Ah, bah oui. Ça, c'est dingue. Bon. Bon. Alors, bon. Première question. Première question. J'y vais. Vas-y. Allez. Si vous deviez comparer votre rythme de vie avec un genre musical, lequel serait-il? Le rap. Ouh, ça c'est la première fois. Ouais. Ça. Alors, c'est quoi exactement? Pourquoi? Pourquoi? Alors, pour ce que ça peut importer au niveau mental, ce que ça peut importer au niveau du cœur, et ce qu'on peut entendre au jour d'aujourd'hui, les musiques tendances, celles qui ambiance et tout ça, et voilà quoi. Qui parle un peu du monde actuel. Voilà. D'accord. Qui fait prendre conscience de certaines choses dont on n'avait pas forcément pensé. Ah, le monsieur a l'air de s'intéresser à la réflexion de son monde qui l'environne. Très intéressant, Tic. Ça, c'est un cas particulier, ouais. Ah oui. Ça me rend encore plus curieuse, là. Moi aussi. Bon. Bon, deuxième question. Deuxième question. Vas-y, Tac, je t'en prie. Oh, je t'en prie. Oh. Oh. Allez. Voilà. Donc, si... Vous, si il était possible d'avoir une contravention parce qu'on speed trop, combien en auriez-vous eu cette semaine? Depuis jeudi dernier? Trois? Oui. Trois fois vous avez trop speedé. Voilà. Par jour? Non, pour une semaine. Ah non, il a bien dit pour une semaine. Trois fois. Oui, oh, c'est jeune, hein. Bon, ça galope un peu quand c'est jeune. Ça galope. Ça fait partie de la fougue. Ça fait partie de la fougue. Ça veut explorer le globe entier. C'est ça. Est-ce que c'est ça? Pas le globe, l'univers. Oh, mais il a de l'ambition, celui-là. Au bout du dos. Dis donc. Au bois. Sacré Uluberlu, là. Ah, on est tombé sur un terrien particulier. On va pouvoir l'emmener pour voyager, faire des petits voyages spatio-temporels. Ça pourrait l'intéresser. Bon. Je fais la dernière question. Oui. C'est maintenant, là. Oui. Alors. La dernière. Si vous aviez la possibilité d'acheter du temps, alors en une journée, est-ce que vous sauriez combien d'heures il vous faudrait rajouter? Ça suffit comme ça. Waouh! Oh, ben ce garçon, il est bien, c'est rien! Ça va! Oh, mais bon, il est normal, hein! Ouais. Bon, il en demande pas plus que ce qu'il en a, hein! C'est bien! Bon, là! C'est très bien! Bon, là. C'est une sagesse! Vraiment! Parce que ça, des fois, c'est plutôt dans la tranche des 60 ans que les terriens commencent à se dire boop. Là! On a affaire à la petite jeune que j'ai vue tout à l'heure, elle m'a dit 1000 heures de plus pendant le week-end. 1000 heures, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on ferait en 1000 heures? C'est ce que je me suis demandé. Pure folie. Ah oui, pure folie. Pourquoi faire? Pour courir? Je sais pas. Puis l'autre petite jeune, elle nous a dit 24 heures par jour qu'elle voulait en plus. Et on dort quand? C'est ce qu'on s'est demandé. C'est la question que je me posais, justement. Voilà. Voilà. Bon. Bon. Merci. Eh ben merci infiniment. Tu veux un morceau de gâteau, Tic? Oh, ouais. Mais c'est un truc. C'est quoi? C'est délire. Non mais c'est incroyable. C'est tellement, moi je dis les terriens. Ils ont tout compris, ces terriens. Ouais. Bon ben alors. On va les retrouver la semaine prochaine. Ouais. Hein? On leur dit au revoir. Au revoir.